If you're not used to hearing directions in another language, then what you heard just now was probably quite complicated to take in one go. So listen to the directions again. And be ready for a short comprehension test afterwards. En sortant de l'hôtel, tournez à gauche. Allez tout droit et prenez la première rue à droite. Et la rue Charlot est la... quatrième. Oui, la quatrième à gauche. So, did you get the directions? You'll hear three statements, each followed by the question... C'est vrai ou faux? Is it true or false? If you think the statement is true... Vrai? Say... It's true. C'est vrai. But if you think the statement is false... Faux. Say, it's false. C'est faux. After you hear the correct answer, repeat it. Je commence? Oui, vous commencez. 1. En sortant de l'hôtel, tournez à droite. C'est vrai ou faux? C'est faux. En sortant de l'hôtel... Tournez à gauche. 2. Allez tout droit et prenez la première rue à droite. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Allez tout droit et prenez la première rue à droite. 3. La rue Charlot est la quatrième à droite. C'est vrai ou faux? C'est faux. La rue Charlot est la quatrième à gauche. If you had any problems with the test, écoutez encore la dernière section. Listen to the last section again. Et répétez le test. And repeat the test. Mais si vous n'avez pas eu de problème, but if you had no problem, continuez maintenant avec la prochaine section. Continue now with the next section.